toi, oui, mais un seul fait pour toi et moi. Choc FM, des hits continue. Bienvenue à 70%. En manchette ce soir, on parle de lesbiennes, d'extraterrestres, de robots et de gros. Et bienvenue à 70%, formule améliorée. Oui. Plus rapide. Plus efficace. Plus facilement gérable. Plus près des gens. Oui, j'aime ça. Ah oui, formule améliorée, ça se place tellement. Ça sent mieux dans ça. Bio. Ouais. Bio, moins de brun. Bio, mais techno. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, on dit bonjour à Benjamin Turcotte. Salut, Benjamin Turcotte. Bonjour. On a un premier invité de choix. Bien sûr, on avait annoncé Edgar Fruitier, mais on a aimé bien mieux avoir Benjamin pour parler des vraies affaires. Benjamin Turcotte, qui vient de Val d'Or, comme moi puis mes frères. Puis on va parler des vraies affaires. Sinon, ben, le film d'aujourd'hui, la version originale, il s'appelle Dollman, mais je vous dirai pas c'est quoi le titre parce que j'ai écrit un beau petit texte pour ça tantôt. Parfait. Ça va être magique. Moi, je sais c'est quoi. Ouais, t'étais là. Fait que, ben, c'est quoi? On va mettre une toune. Moi, j'aime ça. Commence avec ça. Ouais. Oh. C'est la trame sonore de quoi aujourd'hui en background? Ah, c'est vrai, c'est Final Fantasy XII parce qu'il paraît que c'est bon. Ouais, c'est pas mal le fun. C'était c'est ça, que tout je le joue monde de ce temps-là. Trip. Mon frère François, il. Ouais, il aime c'est ça. Il est superlatif. Je tenais à dire qu'hier, c'était le gala des affaires de choc, là. Puis on y a été pas en habit de soirée. Ouais. Puis on a rien gagné, puis je trouve ça super sympathique. Parce que ça reste dans l'optique qu'on s'est pas forcé, puis que ceux qui se sont forcés méritent plus d'avoir des choses. C'est comme un prix pour nous de rien gagner, en fait. C'est important de rester à 70%. Ouais. On veut pas se ramasser à devoir. Mais surtout hey, l'affaire, c'est que si on avait gagné, ça veut dire que tout le monde faisait moins que 70%. Ça aurait pas été cool pour eux autres. Cela dit, est-ce qu'on a fini de se branler vocalement, puis on va aller écouter du Finley Quay? Tu sais bien que le monde qui écoute notre émission, c'est pas pour écouter de la musique. Non, c'est pas vrai, ça. Non, OK, vas-y. J'ai entendu parler. Finley Quay, Sun is Shining. Là, vous allez voir, c'est bon, ça. Puis on revient à 70%, on va poser des questions des vraies affaires. OK. À Benjamin. Salut. Tomorrow. que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage. Car il sait bien, hélas, que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive. Et Batman se marie. Oui, oui, Batman épouse la charmante Callie Kane, autre chasseur de criminels déguisé. Autrement dit, Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman est mon mari. Batman, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Oui, Cathy, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Cathy. En te révélant mon identité, j'espère que tu vas comprendre pourquoi je ne peux risquer ta vie et la mienne. À partir de maintenant, Cathy, Batwoman devra se contenter d'être comme Madame Bruce Wayne. Comment, à travers cette horloge grand-père... Venez par ici. Comment, à travers cette horloge grand-père... Windows Media Player. Hey! C'est impossible. Windows Media Player ne peut jamais planter. Vas-y, man. Salut. Toi, tu voulais laquelle, Israël? Une nouvelle? Ben ouais, mais laquelle? Je voulais une nouvelle. Une nouvelle de lesbienne. Est-ce que mon micro. Ouais, ok, c'est bon. Oh oui. Okay. Hein? Quelle étrange entrée pour un subassement. Quelle étrange entrée pour un subassement. Alors là, je garde l'air. Alors, on va commencer ça avec des nouvelles. Là. Lui voulait une nouvelle de lesbienne. OK. La population de l'île de Lesbos poursuit des organisations et groupes homosexuels pour l'utilisation du mot lesbienne comme façon de désigner les femmes homosexuelles. Dimitris Lambrou, responsable de cette poursuite, affirme que la dominance internationale du mot dans un contexte sexuel viole les droits de la personne des habitants de l'île et l'humilie à travers le monde. C'est quoi ça? Voyons, c'est comme Chris Crocker qui veut qu'on arrête de dire gay. C'est, ouais. c'est comme en Australie, quand les Pères Noël, il fallait qu'ils fassent ha ha ha, place parce que ho, ho, c'est des... Ouais. C'est malade. Attends un peu, attends. Et il voit la Tommy qui va... Oh, Tommy s'est fabriqué des nouvelles garnottes. T'en as un petit peu? Il y a Bruno qui les reçoit pas, par exemple, à la maison. Ah, c'est à cause de la vitre, là. Hey, non, mais sinon, autre. Benjamin Turcotte. Non. Oui, bonjour. Quel âge, Benjamin? 23 ans. T'as-tu des frères? Oui, j'ai un petit frère de 19 ans, Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre Turcotte. Oui. Turcotte. En fait, t'es ici surtout parce que tout le monde de l'Abitibi vont savoir de quoi qu'on va parler là. On va parler de la fantaisie glacée. Oui, ouais, la fantaisie glacée, en effet. C'est le centre de ma vie, pas mal. Ouais. C'est quoi la fantaisie glacée? Moi, je viens de l'Abitibi, je sais pas. Ouais, puis moi, je viens comme de Trois-Rivières. En fait, Fantaisie glacée, c'est pas mal la meilleure comme glacée au monde, les boys. Oui, ça, c'est sûr. La meilleure. D'ailleurs, j'ai recyclé quelque chose ici. On va l'écouter, vous allez voir. Ça va être de tour de beauté. Pierre Brassard, un Val-d'Orien d'origine qui est passé au show. Est-ce que t'as des endroits préférés à Val-d'Or, des bars où on peut te croiser, des bars? Ben, je commence tout de suite par la Cramelle-Cémol. Si vous avez le temps, là, c'est à Fantaisie 504 glacée. Kilomètres. Ouais, Fantaisie glacée, 504 kilomètres d'ici, si on part directement. Là. Ça va être fermé, mais couché. J'ai failli poser une question dessus, hein. C'est vrai qu'elle est spéciale, cette crème glacée. Bonne. Puis il paraît que, comme d'habitude, le secret ne se transmet que d'homme à homme. Parce que c'est un ancien ami à mon père qui l'avait au début. Et voilà. Et il l'a transmis à son fils parce qu'il est décédé, le bonhomme. Et la mère attend toujours pour avoir la recette. C'est ça les traditions. On a ça de la bouche de Pierre Brassard lui-même. On déduit que ton grand-papa n'est plus de ce monde. Ben, vous me l'apprenez. Je savais pas. Probablement que mes parents ont engagé quelqu'un pour me mentir, mais ouais. Je vais m'en remettre. Si on comprend, il y a un secret, là. Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a un secret, parce que sinon, ce serait pas la meilleure. Mais un secret étant un secret... Tu peux fabuleux. Pas dire. Mais tu es le détenteur. Je suis le un de deux détenteurs du magnifique secret maintenant. Ouais. Ça, c'est ce secret-là, c'est une recette ou c'est un ingrédient? Non, je sais pas. Non. Je sais pas, man. Moi, respect. Là. Ah non, mais c'est correct. Moi, je voulais boucler la boucle, là. Je sais pas si c'est pertinent d'aller poser des questions dans ce sens-là. Parce qu'on va tuer la magie en essayant de comprendre. La magie est là, man. Si tu veux goûter la fantaisie glacée, c'est 504 kilomètres, c'est là-bas, puis c'est bon en bouche. Hein. Parce qu'il y a un secret. Pis il est là, man. Benjamin, il est satisfait. Pis il l'a dans sa tête. C'est ça, c'est peu. Sinon, toi, Benjamin, est-ce que tu crois à Ouija? Moi, non. Ben, en fait, oui, mais non. J'ai un peu peur de tout ce qui est esprit. Ça serait drôle d'essayer de demander le secret, mais à Ouija. Non, mais en fait, parce qu'on a joué ici, puis il paraît qu'il y a des résidus de choses hantées, surtout dans ton coin. Là. Cool, parfait. Ça, des manifestations, tiens-nous au courant. Ah, puis pour rester dans le Ouija, pour faire un lien, tu joues-tu à Magic? Non, je joue pas à Magic. Excuse-moi de t'avoir volé ta question. Ouais, je me sens tout bizarre. C'est correct. Mais tu sais, c'est quoi? Oui, je sais quoi. C'est déjà beaucoup plus que la majorité du monde qui sont passés au show. Ah, il y a Emmanuel. Ouais, Jacques Chevalier, il n'y avait aucune idée de c'était quoi. Ah, ouais, puis Pierre Chastanet non plus. En fait, je pense que je sais c'est quoi à cause des petits frères à Tommy. Puis eux autres, ils savent c'est quoi à cause de moi. Donc, c'est filial. La boucle est bouclée dans l'autre sens. C'est malade. Turcotte, fallait qu'il vienne ici t'asseoir. Sinon, pourquoi t'as quitté l'Abitibi-Témiscamingue? Le secret était trop lourd à porter. Ah oui, c'est ça. Tu sais, quand les gens te croisent dans la rue puis t'harcèlent, c'est vraiment pas évident. Puis j'ai décidé de poursuivre des études universitaires pour essayer de me sortir de cet enfer-là, pour faire d'autres choses de ma vie parce que... Tout est en littérature. Oui, en littérature, en effet. Pour pouvoir, d'une façon ou autre, répandre le secret sans le dire. En fait, si jamais le détenteur 2 du secret meurt, je dis pas ça pour que ça arrive, là, ouais. Mais t'auras-tu pas le choix de retourner à Rouen? En fait, de fonder une famille, d'enfanter un empire, de crisser une fille en balloune pour Val-d'Or. Donner un secret. Une fille de Val-d'Or, paraît qu'il parle lentement le monde à Val-d'Or. Ben ouais, la fantaisie glacée de Val-d'Or, pas à Rouen. Ouais, pas à Rouen, arrête de ramener ça. J'ai dit à Rouen? Ouais. Ah, pardon, Val-d'Or. Je voulais dire Val-d'Or. Ouais, non, mais on sent la haine, hein, Rouen-Val-d'Or, ouais. C'est bien important. Mais t'auras pas le choix d'y retourner, hein? Ben, c'est sûr que mon père va me mettre des grosses pressions d'outre-tombe, là, j'imagine, parce que pour que j'y retourne, il va falloir qu'il soit mort, mais ouais, non, en effet, peut-être que je vais avoir un devoir comme ça, il y a des choses, c'est comme le gars qui va avoir le remède contre le cancer va être obligé d'en faire part. Ouais, je comprends, c'est ça. C'est la crème glacée. Ou de le vendre vraiment très très cher. Ou de le vendre vraiment très cher. C'est non, non, non, faut que t'enfantes quelqu'un, là. Non, non, il n'y a pas d'affaire de dire le secret. Ouais, ouais, OK. Te remettre à ta place, mais non, hey, si ton père t'écouterait, il se revirerait dans son lit. Ouais. Molière, il vient de faire la même affaire. Man. Sinon, quelle importance toi t'accordes à la recherche du coupable? Ah, beaucoup. Moi, je pense que tous les coupables devraient être punis très sévèrement, genre lynchage, plume, goudron, des trucs comme Talion ça. Talion style, toi. Ouais, ouais, non, genre Wild Wild West. Ouais. Ben, ça paraît qu'on vient du Nord, hein, c'est ouais. Barbare là-bas. Tu sais, là-bas... C'est pas pareil. Hein. Non. C'est pas pareil. Hey, toi, Israël, parce que là, moi, avez-vous des questions? On va revenir ben, poser moi, d'autres questions. Moi, j'aime ça, poser des questions par rapport au secret, comme celle que je viens de poser, justement, celle d'ici. Il faut qu'il retourne, mais là, j'ai pas trop d'idées, c'est pas très pertinent. Est-ce que quelqu'un pourrait te voler ton secret? Ça arriverait-tu de genre d'espèce de cabrioleur de secret qui arrive puis qui te baillade et qui te menace d'une arme bleue? Non, pour moi, ça va prendre un sérum de vérité et plusieurs thaïlandaises. Ouais. Ouais, vraiment. Ils ont essayé déjà, mais il n'y en avait pas assez. Ouais, voilà. T'es-tu déjà fait menacer pour dire le secret? Genre au secondaire? Ah oui. Ou t'as, ouais, t'as-tu fait des cours d'autodéfense pour pouvoir défendre le secret? Ah, oui. Ouais. Mes parents m'ont fait faire du karaté quand j'étais petit. Mm-hmm. Mais j'étais ami, moi, au secondaire, avec le gars, le fils du propriétaire de l'autre crème glacée. Oh, oh man! Puis, ouais, ça a créé des tensions. Les Capulet, les Montaigu, man, de la crème glacée. Est-ce que vous étiez amoureux? Non, on n'était pas amoureux. Non, OK. Non. C'est quoi cette question-là? Ah, je sais pas, man. J'essaie de me rajouter du drame. À... En tout cas, c'est correct. Continuez, les gars. Ça va où? C'est quoi? Moi, je parle du film, sinon, là. On va reposer des questions tantôt. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais hâte de lire mon beau texte. Ah oui, parce que c'est un beau texte. Ah, il est beau, mon texte. Là. C'est qui vient d'arriver, par exemple? Ah, Emmanuel. Salut. Bonjour, Emmanuel. J'ai ouvert ton micro. Hein. Tu peux poser des questions à notre invité, Benjamin. Toi, t'as rendu un habitué. Je connais toutes les réponses. Ah ouais, déjà? Ah, fait que tu connais tout le secret? Ben non. Non, j'ai le livre à la maison, mais je connais pas son secret. Le livre de... Alors, ça doit être comme le secret, là. Qui existe, qui s'appelle... Le secret? Voyons donc. Donc, là, je vais partir ma trame sonore de fond pendant que les gens en studio comprennent la blague à Emmanuel. C'est chaotique, hein? C'est comme laborieux, comme revenir en onde, tu sais. On est comme... Ouais, on deux fort. Semaines, là, on est rouillé. Il me semblait qu'on serait super bon. Moi aussi, je pensais qu'on serait... En tout cas, vas-y, man, laisse-les parler, là. Albert Pyun est né à Hawaï. Là, dans son île isolée sous les cocotiers, il passait le plus clair de ses journées à se gaver du cinéma le plus gras possible qui existait à l'époque. Faut dire qu'il habitait à côté de la base militaire. Et qui dit militaire, dit usuellement priorité culturelle floue, sinon absente. Bien sûr, je suis en train d'expliquer, non pas d'excuser. Parce que l'œuvre cinématographique considérable, qui est celle de Albert Pyun, est un immondice d'incommensurables proportions. Tellement que ce cher Américain de naissance est considéré par la critique comme le Ed Wood de la fin du siècle précédent. En somme, Albert Pyun, le réalisateur de Doll Man, le film de ce soir, est considéré comme encore plus facultatif que Pépin Méry, Godfréo ou Bedon la tâche à Enzo Castellari. Malade. Ce soir, pour briser avec la tradition de la très haute qualité douteuse des dernières semaines, je vous offre un quasi-moyen métrage de 1991, réalisé et filmé par notre héros de la soirée dans les mêmes décors et en même temps que Nemesis, un autre des films. T'sais, il tournait deux films en même temps dans le même décor, t'sais, tant qu'à... À peine 75 minutes de film d'action qui goûte le casse-gueule au plastique. À quel point vous vous demandez? Disons que le titre de la version française de la dite production parle haut et fort en elle-même. Ce soir, donc, comme premier film de la nouvelle saison de 70%, on va subir ensemble les divagations de Brick Bardot, personnage principal du mini-flic de l'espace. Ou en version originale, Dollman. Un O-L-L, tu sais, comme une poupée, tu sais, pas parce qu'il est plat. Ouais. Parce qu'il est petit, hein. L'histoire est simple. Bien qu'elle soit à 10 000 années-lumière de la Terre, la planète Arcturos, ressemble presque en tout point au décor du Bronx à rabais dans lequel on va passer la majorité du film. Les habitants d'Arcturos sont en tout point semblables à nous, les terriens, s'habillent de la même façon, font leur lavage de la même façon, parlent la même langue que nous, ici sur Terre, et puis ils ont même des commissaires de police noirs qui crient après pour rien. Je veux dire, c'est pareil comme nous ici. C'est dans ce contexte que Brick Bardot va se cracher suite à une poursuite en gros plan de visage dans le Bronx terrestre. À 10 000 années-lumière de son monde à lui. 10 000 années... Le hic, la seule source de jambon, c'est que ce qui demeurera pour toujours discutable et incompréhensible, c'est que Albert Pyun, le Ed Wood des 90s, a décidé de faire que les habitants de Arcturos étaient le sixième de la grandeur des terriens. Ça sert à rien de faire ça. Ça rajoute... En tout cas... Outre ce fait inusité, on est en terrain très connu, très très très connu, parce que avec une séance de pushing d'informations odieuses, on apprend que c'est personnel avec le méchant avant même que le film commence. C'est de toute beauté. C'est bien sûr 1991, on va aller se saucer dans les premiers extraits. On va comprendre que ça prend tout le temps une séquence de mise en situation pour que le héros soit hot. Parce que, tu sais, sinon, hein, notre héros, on sait pas s'il est hot. Fait qu'on va écouter ça, puis on vous revient. Ce sera pas long. Hein? Les micros sont ouverts. Là. C'est ça. Oh non! Prise d'attache. Bon. Mettez-vous tous sur la droite! À droite! C'est même fou, même. Arrêtez! Arrêtez! Il ne faut pas crier, d'accord? Arrêtez! Silence! Il est tellement... Je vais aller voir ça de plus près. Il faut qu'on sache s'il y a du monde là-dedans. Est-ce que son ennemi est petit aussi? Ah ben en fait, c'est que ça paraît... Reculez! Parce que là, tout le monde est égal. Ah ok, c'est juste par rapport au terrain. Approchez d'ici! Et je mais tout le monde là-dedans! Je vous jure que je rigole pas, je le ferai! Le magnifique de l'espace, il est petit lui aussi. C'est de sur Arcturos. La ferme! Il vient de la planète Arcturos qui est à 10 000 années. Allô, le central? Ça se présente plutôt mal, on a un problème, les gars. Nous sommes tous à l'extérieur des barrages de police. Ceci ne concerne que la police. Dispersez-vous et retournez à vos occupations. Situation critique, la ville est débordée. Plus personne ne sait quoi faire. Les Les barrages seront maintenus. On rencontre Tim Thomerson, un acteur des années 70. Grisonnant, comme Steve Martin, comme s'il avait les cheveux blancs. Invasion hyper grande vitesse, 10 millions de briques minérales et le passage hors de notre univers. C'est tout pour l'instant. Cet enfant de pute est encore plus fou qu'on le pensait. Il croit qu'on a l'intention de lui faire cadeau de tout ça ou quoi? Je regrette, mais c'est ce qu'on va faire, Capitaine Skyresh. Je veux que ce problème soit résolu tout de suite. Donnez-lui ce qu'il demande et débarrassez-vous de lui. Il y a des élections la semaine prochaine et je ne veux pas de cadavres de bonnes femmes sur tous les écrans de la ville. C'est fabuleux. Compris, c'est monsieur le maire. Fabuleux. Mais j'ai une meilleure idée. Il y a Brick Bardot qui vient juste d'arriver. Bardot, oh! Je viens de vous dire que je ne voulais pas de bain de sang. Donnez-lui ce qu'il demande, c'est un ordre. Il est synonyme de bain de sang. Fait que là, il descend l'escalier monsieur de maire. Service. On va avoir un très, très désolé, beau mais j'ai des problèmes avec le téléphone. Je dois vous laisser. Et une voilà. Minute, lui, il sait que Brick Bardot, c'est la solution. On va comprendre, on va rencontrer notre héros. C'est bien que vous soyez là. C'est un sacré bordel. Il y a un dingue là-dedans avec 13 otages. Et le maire voudrait qu'on lui cède. On m'a suspendu, vous ne savez pas. Si, mais vous avez peut-être une idée. Ouais, j'ai une idée. Ouf. Je vais mettre de l'eau bouillante pour le blanc. Et de l'eau froide avec un rinçage plus chaud pour les couleurs. Et de quoi est-ce que vous parlez? De mon linge, capitaine. Je le lave toujours ici. Et voilà. Excusez-moi. C'est pertinent. Et puis, ben, là, lui, il s'en va dans la crise d'otage. Vu qu'il est Brick Bardot, synonyme de bain de sang, il s'en va faire son lavage. Alors, vous croyez qu'il va nous aider? Oui. Ah, ouais. Peut-être. Enfin, là, je vais un petit peu plus loin parce qu'on va avoir une bonne dose de... Tire cet enfoiré d'ici tout de suite! Ou la graisse va gicler sur tous les murs! Parce que là, il commençait à faire son lavage. Il n'avait pas remarqué qu'il y avait des otages. Un de nous deux est trop ici. Mais j'ai déjà mis mon fric dans la machine. Je te préviens, j'ai l'intention de faire tout ce que j'ai dit. Wow! Un désintégrateur atomique, c'est la plus puissante des armes de tout l'univers. Et voilà, c'est celle du... Exactement, mon petit gars. Pushing ici, on comprend. Ça va faire un gros trou dans cette grosse dame. Et puis un trou dans ta peau à toi. Et dans celle de la dame qui est derrière toi aussi. Pas si grosse que ça, parce que... Ben, par rapport à nous, ouais, mais notre Arturo Céen, elle est très dodue. Tu vois ce que je veux dire, mon petit gars. C'est... Et voilà, donc ce qui est arrivé là, bien sûr, vous avez pas la couleur, mais c'est que le méchant preneur d'otage, il s'est mis au milieu du cercle, puis là, il a comme mis plein de cordes pour que tout le monde soit comme motonné. Puis là, ben, le Brick Bardot, il a fait peur aux madames, fait que là, les madames se sont évanouies. Fait que là, le gars, il était plus assez fort au centre du cercle pour les tenir. Fait que là, il est tombé sous les grosses madames. C'est du film d'action. On est à 9 minutes du début. Le suspect a été arrêté. Ouais, c'est ça. Et toutes les stations de radio de la ville annonçaient qu'un de mes hommes a risqué de faire massacrer 13 otages. Non, mais vous imaginez les faits. Monsieur le maire, il n'y a pas eu de victime et j'ai pensé que Bardot était... C'est moi qui pense ici, ce n'est pas vous. Où est passé ce salopard, maintenant? Alors, vous êtes déçu de n'avoir pu massacrer personne ce soir, Bardot? Vous êtes fou! Je ne veux plus vous voir, espèce de psychopathe! Et enlevez-moi ces lunettes, il n'y a pas de soleil ici! Personne n'est putain, doit être suspendu! Il a déjà été suspendu à cause de l'incident de film. Alors, renvoyez-le! Je ne veux plus le voir, jamais! Jamais. Jamais. Puis là, bien sûr, il y a le petit jeune qui savait c'était quoi un désintégrateur atomique. Ah! Merci d'avoir sauvé ma maman! Et sur ce, Brick Bardot détourne le regard et il s'en va finir son lavage. C'est la fin du premier segment. On se rappelle bien sûr Damien qui est passé jadis à l'émission pour nous chanter les vraies affaires, les vraies tristesses, le pur. On va écouter Ne risez pas des enfants pauvres. Ouais. Encore une fois parce que c'est tellement bon. Ben, est-ce qu'on laisse les micros ouverts puis moi puis Bruno on chante avec lui? Non. On vous revient à 70%, ça sera pas long. Ne ris. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ne pourront manger la soupe de demain. Non, ne risez pas des enfants pauvres qui ont des mouches qui disent j'ai faim. La poutine ou rien, le cheese à l'air, le pâté sort chinois, la toast de croûte au beurre. C'est le manger des crèves, la faim, des 10 doigts séchés qui vous tendent la main. Non, ne risez pas, des enfants pauvres, mangez votre main le lendemain. Vous riseriez pas, des enfants pauvres le lendemain, sur le cœur une seule main. Non, ne risez pas, des enfants pauvres, aimez les pauvres enfants qui ne risent pas d'être pauvres. C'est 300$ de bourse. Woo! Yes! On est à 300$ de bourse. Ah, on continue en nouvelles. Alors, au Japon, chaque année, se tient le concours du robot stupide afin de déterminer qui a le robot le plus idiot. Les règles sont les suivantes. Il doit être mécanique, il doit être complètement inutile et il doit faire rire les gens. C'est les règles. Un robot Est-ce qui que joue tu tout veux seul. Le répéter, s'il te plaît? Il doit être mécanique, okay. Il doit être complètement inutile, okay. Et il doit faire rire les gens. Mais c'est parce qu'il n'est pas totalement inutile s'il fait rire les gens. Ah, mais ça... Ça, on fout, les Japonais. C'est ça, mais c'est les Japonais, hein, c'est ça, l'affaire. Malade. Puis c'est quoi, t'as-tu des exemples de robots? Ben ouais, des robots qui jouent tout seuls, des robots qui font des push-ups, des robots qui tombent par terre puis qui braillent. C'est ça. Oh, man, ça sert à rien, ça. Ouais. Bravo. Ouais, ah, juste une petite quickie de même, là, comme mesure afin de combattre la prostitution, la ceinture de chasteté fait un retour en Indonésie. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Oui, c'est le plus gros pays musulman au monde. C'est pas grand monde. Oui. De toute beauté. Ouais. Israël, toi, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé à peu près. Ouais. T'es allé à Rouen jouer avec Bonne Journée. Ouais, on a été jouer avec Yves Gabin. En fait, j'ai comme le choix de 3 histoires, puis tu vas choisir laquelle. Ah, ben on va dire Benjamin va choisir, man. OK, il y a la fois où ce que mon meilleur ami s'est rentré mon appartement dans son cul. Okay, ça commence fort. Il y a les vols au club vidéo par 2, puis ça c'est pas pire ça. Part 2. Part 2. Ouais, c'est the ça. Puis mon voyage à Rouen, mais ça c'est plate un peu. Ben, moi vu que je sais amplement c'est quoi Rouen, puis que c'est vrai que c'est plate en crisse. Je vais prendre part 2. Ok, oui. Alors, je travaille dans un club vidéo, comme vous le savez tous, un peu. C'est pas pire, tu sais. J'ai déjà compté les histoires de vols de club vidéo, tu sais, du monde qui arrive en gang, qui achète des chips, qui ont pas d'argent pour les acheter pendant que le chum sort avec des DVD. Fait que. Mais là, il y a eu un voleur cocasse ces derniers temps. Il a commencé, il y a 2 mois, il a volé 60 pochettes de porn. Hey, 60. C'est fabuleux, man. Il est arrivé, on l'a checké sur la caméra de surveillance, mais on l'avait pas checké pendant qu'il le faisait, évidemment. Après, là, tu l'as. Après, il y avait comme une valise. Il est arrivé, il a passé l'après-midi dans le porn. Il a choisi ses pochettes. Il sélectionnait, Il sélectionnait ses pochettes. Hey, s'il y a quelque chose qu'il faut pas tomber dans le. C'est tout pareil, me semble, ces pochettes de porn-là. Ah non, man, tu sais, il y en a plein, là. Il y a des fifilles, il y a des gogas, il y a des gofilles. OK. Ben là, penses-tu qu'il est retourné chez eux avec, puis ils ont relié pour se faire une revue? Ou peut-être un mur. Non, mais la police avait une explication, parce que j'ai la suite de cette histoire-là. Oh. Donc, ben, sa tactique, lui, il arrivait avec la valise. C'est partout alinéa B. Même. Il sélectionnait ses pochettes. Fait là, il mettait tout en quelque part, puis à la fin, il enlevait le sleeve. OK. Puis il mettait tous les petits papillons dedans, puis de sa valise, puis il est parti, là. Hey, c'est mal. Ça fait que, tu sais, on peut pas vraiment appeler la compagnie pour leur demander des pochettes. Fait qu'est-ce qu'on va faire, là, disons, en tant que club vidéo, on va faire photocopier couleur le dessus des CD, puis on va les vendre à rabais. On vient de perdre. Ben, je m'en crisse. Mais ouais. Pourriez-vous pas faire des dessins dans vos temps libres? Non, mais sinon, ça veut dire que là, il y a un club vidéo où il y a du porn qui se vend pas cher. C'est ça que t'es en train de nous dire. Ouais, ouais, ouais. Quoi, Mont-Royal, Saint-Laurent? Voilà, voilà. Le super club Vidéotron, une filiale de Québécois Média. Donc, par la suite, oui, le voleur a récidivé. Oh. Et c'est encore mon gérant qui trippe vraiment trop sur son club vidéo. S'en est rendu compte. Ben, j'arrive là, il me parle de ses profits. Là. Ce film-là, c'est fait louer 15 fois. Tu sais. Ah, ta gueule. Mais peu importe. On le salue. Ouais, on le salue. Salut Claude. Fait que là, il s'en... le voleur est revenu, il retourne en porn, mais là, nous autres, on le sait pas. Puis Claude, d'un excès de génie, pour la survie de son club vidéo, va voir la caméra dans la section porn. Il voit encore des pochettes, que les pochettes disparaissent. En furie, il rentre dedans la salle de porn et il voit le gars penché sur sa valise en train de trier de nouvelles, à nouveau des pochettes. Fait que là, il dit « Hey, toi, là, là, là, qu'est-ce que tu fais là? » Fait que là, le voleur de se sauver en laissant les pochettes là. Mon club de partir après. Aussi? Ah, il a tout laissé là, là. Fait là, il s'est flexé, là. Claude, de pouvoir le battre, a fait appeler la police par l'autre employé qui était là. Moi, j'étais pas là. Fait là, Claude suivait le voleur jusque loin en ville. Il le suivit, là. Tu sais, il vole juste des pochettes, on s'inquiète. Mais en tout cas... C'est comme t'as dit tantôt, là, si l'entreprise perd plein d'argent, peut-être qu'ils peuvent toutes les retrouver. Ouais, c'est peut-être ça. Qu'ils sont pas encore gluantes aussi. Ouais. Donc, il court après. La police l'arrête. Il lui donne seulement qu'un avertissement. Et la police pense qu'il fait partie d'un réseau qui copie des DVD de porn et qu'il faisait juste aller chercher les pochettes pour pouvoir les revendre. Ouais, c'est ça que je me disais, ouais, moi, depuis logique. Le début. Ouais, c'est logique. Ouais, fait que le début de l'histoire était bien drôle, mais la fin. Ouais, c'est ça. Après, c'était comme une histoire de fille, genre. Il y avait comme build-up pis pas de punch. Il y a la pause que j'étais avec mon charmant gérant et qu'il y avait un gars qui se crossait dans la section porn, mais ça, c'est moins drôle. Ben, je pense que tu viens de pas mal de faire le tour de l'anecdote. Là. Ouais, non, mais il y a d'autres fois. Là, dans ouais. Un petit peu, même. Là. Peut-être que ça va rajouter des couleurs. Non, c'est ça. Ben, à un moment donné, il y a un gars qui se crossait dans la section porn, là, pis il y avait... Je sais pas, là, puis là, en sortant, on a kické dans la porte, on lui a dit, hey, sors du site. Puis en sortant, il nous a dit, en tout cas, j'étais un bon client, ici, là. OK. Oh. Fait que j'ai le droit d'avoir des Kleenex. Donc, c'est ça. Ben, je vais continuer à vous faire part de vos aventures de club vidéo, car contrairement à tous mes autres jobs, c'est la seule où il y a des aventures, tu sais. De l'imprévu, mettons. T'es face à face avec la vraie humanité. Là. Ouais. Celle qui loue des Daniel Steele, puis des faits vécus, puis la nouveauté qui vient de sortir. Là. Ah oui, j'ai ça quand on me demande un film pas bon. Ah, puis le monde, je sais pas si vous avez pas remarqué, vous travaillez pas dans un club vidéo, mais quand ils louent un film plate ou qu'ils viennent te demander un film plate, ils font une face de film plate. T'sais, ils font comme... cherche le film L'Homme Parfait. Puis là, la fille fait comme un... C'est pas de ma faute. Non, c'est ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. Je cherchais un petit film cucu à soir. Fait que ça va être le challenge pour tous les amis de la semaine au club vidéo. Essayez de remarquer le visage des personnes qui demandent qui des films plates. Ouais, des films puis plates. Puis on en reparle la semaine prochaine. Parce qu'ils savent que c'est plate. Fait que c'est ça, Bruno, tu veux-tu nous lire une autre nouvelle? J'ai fini avec mes affaires. OK. T'es pas bien prêt, tu m'as pris off-guard un peu. Ben, tu veux-tu y penser? Parce que moi, j'ai une question qui m'intéresse gros à poser à Benjamin Turcotte, qui s'est déplacé. Depuis Val-d'Or, le magnifique, le meilleur eau au monde. Hein? Non, c'est Amos, ça. C'est pas à Cap de la Madeleine? De quoi tu parles? C'est à Amos, le meilleur eau. Ouais, c'est ça, c'est Amos, là, c'est Barraute, là, ils sont le genre. Amos, Val-d'Or, là. C'est des escarres, c'est à cause des escarres. Rouen-Val-d'Or. Parce que les escarres, c'est des grandes collines qui font nord-sud, parce que quand les glaciers ont fondu, ben, veut pas, ça s'en allait vers le sud, puis il y a des grosses rivières qui étaient comme des gros tubes qui, dans les glaciers d'à peu près un kilomètre de haut. Puis ça, ben, en fondant, ça ramenait des sédiments, puis tout, puis ça a fait des escarres. Puis ça, ben, c'est plein de déchets, puis de, ben, en fait, de rumble, puis tout. Pis ça fait des grosses collines qui sont tout le temps nord-sud, parce que c'est les rivières qui s'en allaient là. Puis c'est le meilleur filtre à eau naturelle, puis c'est pour ça qu'en Abitibi, on a la meilleure eau au monde. Et voilà. Tout ça, mon arrière-arrière-grand-père le savait. C'est pour ça qu'il a fondé Amos là. Ah, c'est. Ah, ouais, man! Ben oui. Ah, t'es-tu avec Nat? Ben oui. Tu sais, Ernest Turcotte. Le gars de la toune, là, l'Abitibi, avion connu, Ernest Turcotte, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Hey, vraiment vintage, man, on boucle une autre boucle. Hey, Benjamin, Est-ce qu'il connaissait la crème à glace? Ouais, c'est lui, c'est ça, ouais, je l'ai demandé. C'est lui aussi. C'est lui qui a inventé la crème à glace? Moi, je suis sûr, c'est juste qu'il y a de l'eau dans la mousse de. Il a monté l'Everest ses mains aussi. La religion ou la secte que tu trouves la plus drôle? Mon Dieu. Tu peux dire James Caillafield. Non, mais moi, je pense que toutes les religions ou toutes les sectes at large, là, c'est pas mal. C'est quelque chose que je comprends pas. Mais mettons, sinon, pour en nommer une, là, la religion Jedi est rendue une religion reconnue aux États-Unis. Ouais, hey, moi, je suis Jedi. Hey, c'est pas pire. C'est bon. C'est toi, Emmanuel, as-tu une religion, une secte que tu trouves plus drôle que les autres? Les Vulcains, ouais, je pense à ça. Moi, j'aime bien ceux qui se marient en Klingon. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Personnellement. Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une opération pour se faire plisser le front ou... Non, non, ça c'est les Klingons. Ça, c'est les Klingons. Je connais rien. Voyons donc. Les Vulcains, ils ont des oreilles d'elfes. Ouais. Des oreilles d'elfes, ouais, les Vulcains, c'est des elfes qui sont allés vivre ailleurs. Sinon, là, mettons, là, on est dans les locaux de l'UQAM, là, puis tout, là, puis les deux, là, je sais que vous étiez impliqués, puis tout, là. Est-ce que c'est fini la grève? Ouais. OK, c'est bon. C'est pour ça que mon frère, il continue à avoir des cours, là, mettons. C'était donc ça. Ah, OK, ouais. c'est ça. Puis c'est quoi qui est arrivé, là? Ben, pas rien, en fait. La même chose que les autres fois, là. Ils ont eu un congé. Puis il y a eu des congés. Le monde avait des congés. C'est drôle, un congé, là. On a encore des cours en ce moment, là, parce que c'est pas vraiment un congé. Ah, non, je sais, mais c'est ça qui se sent mal. Non, je me sens pas mal. Je trouve juste que, comme tant qu'à faire une grève, faites-la pour de vrai ou votez-la pas, t'sais. Ben, ça, c'est mon opinion. C'est construit. Moi, je peux répondre à ça. Hein? Ben, voilà, ben, vas-y, man. Cool. Ben, malheureusement, le micro, il saute. Ouais. C'est les gens qui choisissent hein, de reconduire la grève. Ouais, non, je sais. Les personnes qui s'occupaient de la grève, puis qui étaient mobilisées, voulaient faire une vraie grève et continuer jusqu'à ce qu'on ait mais je qu'on sais, voulait, mais je sais ça, mais tu sais, tant qu'à faire, pourquoi que le monde qui ont voté oui au début avait l'intention de pas la finir, genre? T'es-tu en train de faire un sociologue de moi-même? Je suis en train de faire un sociologue de moi-même. Moi, je trouve ça très, très niaiseux, les grèves à l'UQAM, mais ça, c'est mon opinion. Non, c'est une bonne opinion. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le 70% des personnes qui sont. Yeah! Combien que d'autres personnes? 70, hey, ça tombe c'est bien. C'est bon, man. J'adore ça. Le 70% des personnes qui s'en foutaient au début de la grève, après trois semaines de cours manqués, ont commencé à se dire « Ouais, mais moi, mon nombril, il valait assez court. » Ouais, je comprends. Donc, ouais. Ils sont venus voter contre. À un moment donné, je comprends ça. Ouais, c'est ça, on se perd là-dedans. Sinon, Benjamin, là. Oui. Mettons que tu jouais de la guitare, là. Pourquoi t'aurais commencé? Les filles. Ouais. C'est les filles. Pour impressionner. C'est les filles. Ben, ça marche en plus parce que mon ex, je l'ai rencontré dans un bar à Val d'Or, au Rafio. Parce qu'à Val d'Or, on a le meilleur bar puis on a la meilleure crème glacée. Ta gueule. Ouais. pas mal tout, en fait. Mais j'ai rencontré en jouant Hélène dans un bar. Non, Hélène, drôle voisine. Joue de la guitare. Ouais, ouais. Man, ouais, j'en joue de la guitare. Fallait pas que je le dise. Hein. Non, non, c'est ça. Moi, j'ai dit, mettons que t'en joues. Ok, ben, mettons que j'en jouerais, j'aurais là, peut-être Jean-Michel, rencontré ma blonde. C'est quoi qui se passe? T'es venu nous dire. Hey, bonjour. Salut! Ah, ben, il a oublié quelque chose. Les mystérieux étonnants qui s'étendent. Hey, t'as-tu mon comic book? Ouais. Ouais. Hey, pis toi, t'étais supposé m'amener Goom, là, Gloom. Le prince, c'est qu'il est dans c'est totalement pertinent en plein milieu de l'émission. Tellement occupé. Sinon, est-ce que t'es un fan de jeux vidéo, toi, Benjamin? Ah, je suis, ouais. Je suis ce qu'on peut appeler un geek, mettons. Là. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est comme... Puis, t'as-tu fait la file pour GTA 4? Non, j'ai pas fait la file pour GTA 4 parce que j'ai pas encore de console pour le runner. Ah. Mais bientôt. Moi, j'attends tout le temps que ça saute une génération avant d'acheter la dernière console. Ouais, mais mon petit frère a un 360, là, puis j'aurais été capable de jouer. Ouais, bientôt. Fait que toi, t'es plus Xbox, Microsoft ou PlayStation 2. Ah, moi, je suis plus Halo, hein. Je suis plus Halo que Final Fantasy. Ok. Ouais. Ah. En fait, moi, je suis toute la gang. Moi, je pense que chaque console a son petit côté cool, puis... C'est pour la démocratisation des jeux vidéo. Ouais, moi, je suis anti-raciste. Ah, moi, je dis que toutes les consoles devraient jouer tous les jeux. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, en tout cas. C'est pas ça, le capitalisme. Non. Hey, ouais, c'est ça. Je pense qu'on va mettre une toune. On va essayer se refaire, se refaire des forces. Ça va être Bryan Adams, Summer of 69, ça vous tente-tu? Oh, boy. Non, hein. Ouais, moi, ça me tente. Summer, mais c'était pour Summer que je l'ai amené. Ouais, mais il l'écoute même pas l'émission. Ben c'est pas vrai, des fois il l'écoute. Ouais. Ok. Oh, ouais. Salut Summer. On lui dit allô. Ah non, je vais la semaine prochaine, ça. Moi j'emmène Mixmania avec les pires paroles que j'ai jamais vues. Ah moi je savais pas que ça existait ça. Madness Rings, connaissez-vous ça? Ouais, c'est super pas bon. Malade, on va écouter ça, là, puis on va essayer de prisonnier. Puis de les aimer. C'est de la chanson. Madness Ring, c'est décadence. Oh oui, c'est pas facile. Fait qu'on revient à 70% pour finir sans formule bruit, améliorée. Formule améliorée. Ouais. 12 minutes, t'as dit dans leur queue, puis tu finis marié avec une connasse. La tête comme des aquariums à poissons. Pour trois petites tapes sur le cul, tu finis papa. Hey! Où tes amours finissent avec des gros culs, une grosse face, corps écointé, la simple lumière d'un soleil noir, pourrissant dans un instant pourri, vivant froid, apathique dans un monde machinal glacial. Une clope à la main autour d'une table ronde. Une grosse maison dans un beau quartier. Sur un sol de lépreux et de pertes, de parcelles de foutaise colorant son chemin, dans cette froidure vivant, prisonnier de ce sombre royaume, sur les terres d'un empire noir, condamné à la fois d'or de ce destin, une longue course vers sa perte, sous un illusif ciel de bleu. Aveuglé par la lumière d'un soleil, schizophrène la distinguant le jour de la nuit, émanant la douleur de ce jour, dans cette tradition où il vivait, 12 minettes tandis dans leur queue, puis tu finis marié avec une connasse, la tête comme des aquariums à poissons, ou pour trois petites tapes sur le cul, tu finis papa. Hey! Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Robot Flick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Après avoir fait courir Bruni Surin contre un hot dog, associé des céréales au talent de Tiger Woods et des pick-up à Wayne Gretzky, les publicitaires québécois du 21e siècle évoluent vers un univers de chars qui lévitent, de cosmétiques qui créent des amitiés, et de rasoirs issus de la rencontre de deux énergies pures. L'Ordre des publicitaires québécois, à l'écoute de la réalité. Connaissez-vous le crying sumo? Non. Veux-tu dire sumo pleurer? C'est de la lutte sumo pour bébé. Wow. Deux lutteurs sumo amateurs tiennent un bébé dans les airs. Le premier bébé qui pleure fait gagner son lutteur. Si les deux bébés pleurent en même temps, celui qui pleure le plus fort fait gagner son lutteur. Il y a eu une compétition de crying c'est sumo. C'est quoi, je veux dire, t'as juste à le pincer. Je sais pas. Je connais pas toutes les si règles. Le droit. Je sais pas si t'as le droit de le pincer. C'est juste. Je sais pas s'il faut juste que t'attendes. Est-ce que c'est pertinent que ce soit un lutteur sumo qui le tient? Un lutteur sumo ça amateur. N'importe qui. Amateur. Le crying sumo. Mais c'est plus drôle à regarder quand c'est sumo qui tient le bébé que si c'est comme quelqu'un comme un cowboy, par exemple. C'est extra vraiment empire du soleil levant, man. Ça, ouais. C'est de toute beauté. Les quoi, Japonais. T'as trouvé une filière? Ou... Ah non, mais non, je sais, les Japonais sont forts cette semaine dans les nouvelles. Ben, mm-hmm. Tu sais, quand tu passes plusieurs semaines sans nouvelles, souvent les nouvelles des Japonais, c'est quand même ceux-là qui attirent le plus ton attention. C'est un peu, ouais. Les Japonais sont tout. T'as-tu vu le jeu de Wii pour faire pipi? Ah ouais, tu m'en as parlé ou Bum en a parlé, mais en tout cas, ouais. En tout cas, il y a un nouveau jeu de Wii avec un strap-on. Là. Tu mets ta Wiimote dedans, le strap-on. Ben, c'est une joke, ça. Non, c'est au Japon, là, c'est pour faire pipi, là. Puis là, il y a des toilettes qui s'ouvrent, il y en a trois. Puis là, faut que tu pisses dans la bonne, là. Est-ce que ça s'appelle Oui Piss? Non, mais c'est au Japon seulement. Non, ça s'appelle Oui Oui, man. Oh! C'est vrai, je vous enverrai une vidéo aux amis. Alors, si vous voulez avoir la vidéo, vous avez juste à écrire à 70%/shock_fm_ucam_. Pendant que... Non, mais en fait, je suis content de dire que maintenant, on est rendu avec un site. Là. Benoît, il l'a fini finalement. Ça s'en vient pas mal bon. On va avoir le douteux.org. On va mettre les extraits des films de la semaine. On va pouvoir downloader les films de la semaine. Il va y avoir toutes les émissions de radio, des textes. On va aussi mettre des sketchs et plein d'amour et autres surprises. Donc, douteux.org, ça commence à être quelque chose qu'il faut mettre dans les favoris. Sinon, bien sûr, le combat ici, Benjamin, c'est le douteux. Le douteux, là, c'est comme une façon de voir un film ou de voir la réalité qui fait que tu te poses des questions. C'est comme pourquoi qu'ils ont traduit Dolman en le mini-flic de l'espace. Okay. Pourquoi? Tu sais, juste ça, tu te dis pourquoi? Puis c'est comme aussi, mettons, dans la séquence qu'on va aller écouter du mini-flic de l'espace. Pourquoi est-ce que le méchant il est aussi épais? Je pense qu'on va essayer ensemble de comprendre. On retourne dans une nouvelle ce soir. Le mini-flic. Il s'appelle Baxter. Tu es quelqu'un de très violent, Marlowe. Oui, je sais. L'univers est fait de violence. Je parie que tu croyais ne jamais me revoir. Je ne vois plus grand-chose, Rogue. Après notre dernière rencontre, c'est tout ce qu'ils ont pu réussir à sauver. Voyons si j'arrive à me rappeler la première fois l'attaque de la banque de Cantray. J'ai fait sauter ton bras gauche. Et mon pied gauche aussi. Ensuite, il y a eu cette affaire d'escroquerie. J'ai dû t'enlever deux ou trois jambes. Sans oublier le reste. Et la dernière fois, tout ce que je me rappelle, c'est ta tête en train de rouler par terre dans le parking. Parce que le boss des méchants n'est qu'une tête qui flotte sur une espèce de siège de toilette bizarre. Ça va être de toute beauté. Dommage que ta femme et tes gosses n'aient pu en profiter comme moi. Ouais, deux ou trois gens. Le meilleur médecin n'aurait pas pu tirer grand-chose de ce qu'il en restait. Bah oui, mais c'est vrai qu'on se la demande. Pourquoi, t'sais? Je vais te dire ce que je veux, Bardo. Oh, vas-y. 50 millions d'îlots moléculaires. Oh, 50 millions, où c'est qu'il va trouver ça? Je sais pas, man. Dans une banque. Parce que mon vaisseau contient une bombe à fusion dimensionnelle qui enverrait les atomes de cette cité dans un autre univers s'ils ne me payaient pas. Fusion dimensionnelle. Ils ne paieront pas. Pareil comme dans le Golden Compass. Tu vas tout foutre en l'air, comme d'habitude, d'ailleurs. Non, Bardo. Qui est le film que vous allez faire jouer la semaine prochaine, je pense. Hein? Le Golden Compass, hein, non. Ce qui est beau, en fait, là, si vous me permettez, c'est que... C'est les ours. C'est que la bombe à fusion dimensionnelle que le méchant Baxton Red est en train de parler de, c'est en fait une bombe qui tient en haleine tout le monde à partir de la 16e minute jusqu'à la 75e minute. Ah, c'est comme Spawn. Et puis, ça va être la chose la moins impressionnante. Yeah, il est content. Non, mais je veux dire, à la fin, on a l'explosion. Excusez. Bon, décorum, les enfants. Ouais. Sinon, on va passer au travail. Parce qu'on avait déjà vu ça. Parce que le héros, en fait, son patron. Oh, ça. Tu n'en sais rien? Dis-le-moi. Voilà la 19e minute. L'air et la pression atmosphérique sont compatibles avec la vie humaine. Il est rendu sur Terre. Attention, d'après les calculs humaine. Basés sur la structure de cette planète, nos rapports de proportion sont modifiés. Les formes de vie sur cette planète sont dans une proportion de 6:1 supérieure. Oh, ça veut dire que les êtres humains de la place sont 6 fois plus gros. L'ordinateur qui appelle la race de Arcturus, des êtres humains aussi, tu sais, c'est weird. En tout cas, là, il y a un petit dernier bout d'extrait. On va aller comprendre maintenant la toute-puissance de la bombe parce qu'il va pouvoir dominer le monde avec ça. C'est quand même. Hein, c'est jamais vu. C'est ça. Ça va vraiment bien. On s'en va dans des nouvelles avenues. Ouais. Pas cliché du tout. On explore. Perspective. T'as vu ce truc là? On dirait une bête. Où ça? Là, regarde, une toute petite bête. Regarde un hamster. Mais non, c'est Baxton Red. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? La tête qui flotte. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, les amis, je vais essayer d'être bref. Je suis visiblement un visiteur d'un autre monde qui a eu quelques petits ennuis. Visiblement. Si vous voulez m'aider, je vous aide aussi. En plus, ça parle. Vous m'aiderez à faire quoi? Conquérir le Mont Rhode. Oh. Celui-ci, en tout cas. C'est qui ces gars-là qui est en train de parler? C'est Baxton Red, c'est le méchant. Ouais. Non, mais c'est qui, à quel gars qui essaie de recruter? En fait, c'est du jambon du Bronx. Là. C'est comme la gang du Bronx, parce que là, ils ont craché dans le Bronx. Vous pouvez faire à votre planète un trou de balle tout neuf. Un trou à ma planète? Vous pouvez me croire, il n'y aura personne qui osera vous embêter avec ça. Et puis elle avec une bombe comme celle-là, on pourrait faire sauter le quartier tout entier. Non, on aurait le Bronx pour nous tout seuls. Hein? Faire sauter le Bronx, tout le coin sera à moi. Pour avoir le Bronx. Tout ce qu'il en restera sera pour vous. Tout seul. Tantôt, il parlait de dominer le monde. Là, il parle de dominer le Bronx. C'est avoir le Bronx. Et vous voulez quoi, vous? Que je vous trouve un chapeau? Dominer l'un et vous dominerez l'autre. C'est ça. Sortez la bombe. Et voilà la bombe. Si je finis les extraits sur ce mot-là, c'est vraiment, j'insiste, t'sais, tantôt je voulais en mettre là-dessus, puis là, c'est ça, il n'y a pas le visuel, mais la bombe, à la fin, quand elle explose, là, c'est des lumières blanches. Ils disent que tout va mourir, que t'sais, il va dominer le monde avec un spot blanc. C'est de toute beauté, on va écouter ça tantôt, c'est au moins moins 7. Et puis en plus, ce soir, c'est le premier visionnement du mois, donc on va avoir un Rambo. Oui. Et puis en plus, ce soir, de toute beauté, on va avoir l'excellent. Je vais mettre, en fait, les 20 dernières minutes de W is for War, La vengeance des sauvages. C'est 20 des minutes, ben, je te l'ai donné mais c'est ça, tu vas l'avoir en pleine face tantôt au brouhaha. Ça va être de toute beauté. Sinon, as-tu une nouvelle, quelque chose? On peut continuer avec des nouvelles. Ben ouais. Un peu, je vais essayer de le prononcer comme du monde, là. Rob Derrick Laswell a été arrêté pour meurtre en septembre dernier en Arkansas et poursuit sa prison pour avoir perdu du poids. Il pesait 413 livres à son arrivée. Il en a perdu 105 et accuse la prison de l'affamer. Une heure après chaque repas, j'ai toujours faim. Les portions sont tellement petites, a-t-il affirmé. La prison se défend en disant que chaque repas contient entre 2300 et 3000 calories. Ouais, c'est que c'est calculé pour un être humain, c'est ça, mais lui, il est au-delà de ça. Non, mais c'est ça, lui, parce qu'il regarde ça, puis il faisait, il me semble que c'était plus gros quand je m'y faisais chez nous. Puis peut-être qu'il a peur aussi, là, tu sais, parce que là, il vient de perdre 100 livres, tu sais, si ça continue comme ça. Il y en aura plus à un moment donné de livres. C'est ça, il va disparaître de toute beauté. Hey, Benjamin, es-tu prêt à nous faire notre petit indicatif? Ben oui. Ben vas-y, mon gars, t'es à 70% pour encore à peu près 3-4 minutes. Le prophète disant. Parfait, ben le matin, quand je me rends compte que j'ai un travail à remettre le soir, avant 5 heures, puis que je l'ai pas commencé, j'écoute 110%. 110%. Il est passé. Ah non! Ça fait tout le temps ça. Mais tu vas être obligé de recommencer, man. Ben ça me fait plaisir. Ben vas-y. Mais c'est vrai que j'écoute 110% des fois, parce que... Ça fait rire. Ça fait du bien. C'est presque aussi chaotique qu'ici. Le matin, quand je me rends compte que j'ai un travail universitaire à remettre le soir, avant 5 heures, et que je ne l'ai pas commencé, j'écoute 70% pour oublier. Oh, c'est gentil. J'avoue qu'on fait cet effet-là, entre autres. Hey, sinon, ben, c'est quoi? C'est pas la fin. Ah, c'est dommage qu'on ait plus de temps parce que... Ben, vas-y, man, Non, mais Tommy, j'avais une super nouvelle pour toi. Je suis tombé tantôt sur un petit papier qui parle d'une théorie conspirationniste qui court dans les bas-fonds de Paris à l'effet que... Il y aurait la version originale de la fable de La Fontaine, tu sais, le renard et le corbeau. OK. À la place d'être un fromage qui tenait dans son bec, c'était un jambon. J'adore ça, man. Ouf. Tu vas maintenir au courant de ça. C'est sûr. C'est sûr et certain, de toute beauté. Le jambon est partout. Faites attention. Merci, Benjamin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire encore quelque chose? Non, on va revenir là, on était mou là, on va revenir la semaine prochaine. On va être plus en forme la semaine prochaine. Parce que là, on a été nominé comme émission qui s'était le plus améliorée, fait qu'on a décidé de régresser un peu pour pour être sûr de pas le gagner l'an prochain. Pas dépasser 70. Exactement. Là, on était à peu près à 65 par exemple. On va revenir à 70 la semaine prochaine. Peut-être 71, 72 là. On va essayer de trouver un espèce de programme. Toi, t'avais d'ailleurs avec les bisounours. Peut-être qu'on pourrait faire un parallèle entre calculer la valeur d'une œuvre écrite et puis la valeur d'un discours. Ouais, mais là, ça devient difficile. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Puis plus c'est long à calculer, moins c'est rentable. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, j'avoue. Ouais, je m'en rappelle de ça. Puis faudrait écrire, mettons, le texte. Puis déjà, c'est une perte de temps immense. Ah, ben, Colin. On va essayer de trouver une solution à ça. on va vous laisser avec de l'excellente musique, c'est sûr et certain. Merci, Israël Trudel-Denis. Des hits continuent. Des hits à 100%. Bruno Corbin, merci beaucoup. Plus rapide. À chaque fois que le castor Emmanuel. Des fois, ça et Benjamin, sent bon. Man. Ouais, merci, man. Le détenteur du secret. Ouais. Believe. Yes, I do. Ah, on a-tu vraiment fini? Ben oui. Là, okay. Je vais mettre pour fin de match. C'est quoi qu'on va mettre? Ben, va j'ai mettre... quoi dire, vite fait? Ben, vas-y. Je suis vraiment écœuré, moi, au club vidéo, d'entendre des crises de preview de films, hein? Hein? Stéphanie est une fille. Qui s'en va? De la petite ville à la grande ville. Et elle va découvrir qu'être une fille à la grande ville, c'est pas toujours facile. 50 fois par jour. Et voilà, ça garde en vie. Vive le mainstream. Bon, ben, on va, c'est ça, on va écouter Spectreman, le thème en français, c'est de toute beauté. 70% on va revenir la semaine prochaine, c'est sûr. Merci beaucoup. Spectreman.